La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les poissons dans l'eau sont-ils aussi heureux qu'on le dit ? Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct au Théâtre de la Ville à Paris, en direct mais sans public hélas, en compagnie tout de même et heureusement de mes deux invités que je vais vous présenter dans un instant, en compagnie également du camarade Léon Bonafé, que je salue et que je suis bien content de retrouver à notre table, surtout en cette date proche de Noël, que son prénom illumine déjà en étant l'anagramme annonciatrice. Bah oui, Léon, ça fait Noël, c'est pas l'anagramme du siècle, mais elle tombe à point. Quant à Bonafé, ça fait... Alors là, c'est pas une anagramme, c'est une contrepétrie. Bonafé, ça fait année bof, ce qui finalement correspond assez bien à l'année 2020. C'est vrai. Mais ça pourrait être pire en 2021, car on dit que le nouvel an en 2021 tombera un vendredi 13. La mission de Léon est capitale, essentielle, fondamentale. Elle consiste à déconfiner nos neurones en les propulsant à travers la stratosphère à l'aide de trampolines poétiques certifiées élastiques, caustiques, rythmiques, amphigouriques, voire carrément absurditiques. Combat, vous le savez, c'est le nom donné à un cycle de 10 week-ends d'émissions de France Culture au Théâtre de la Ville à Paris, qu'il y ait ou non confinement, autour des grands thèmes de l'actualité. Notre question du jour est donc celle-ci. Les poissons dans l'eau sont-ils aussi heureux qu'on le dit ? On a longtemps cru que l'océan était un puits sans fond, plongé dans les ténèbres et seulement habité par des monstres préhistoriques ou mythologiques. Les grandes expéditions sous-marines lancées au 19e siècle et qui ont culminé un siècle plus tard, avec la descente en 1960 d'un bathyscaphe dans la fosse des Mariannes à 10 916 mètres sous la surface du Pacifique, ont révélé un monde nouveau, le monde des abysses. C'est dans cet univers-là que les scientifiques placent le début de la vie, en vertu des lois de la biologie bien sûr, mais peut-être aussi un peu à cause de la coïncidence orthographique qui veut que le commandant Cousteau contienne exactement les mêmes lettres que « tout commença dans l'eau ». C'est désormais clair, le monde des océans a directement à voir avec nos propres existences. Il nous prolonge au-delà de nous-mêmes, en quelque sorte. Il est notre continuation sous-marine, notre asymptote obscure. Mais que savons-nous de lui aujourd'hui ? Que savons-nous également des êtres qui l'habitent, à commencer par les poissons ? Et quel est l'effet qu'ont sur lui et sur eux les activités humaines, la pêche bien sûr, mais également les variations que nous imposons à l'environnement et au climat. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. La première est Sarah Labrousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en écologie marine, post-doctorante à Sorbonne Université, au laboratoire, je cite, d'océanographie du climat, expérimentation au pluriel et approche numérique au pluriel, dont l'acronyme est, si je ne m'abuse, l'océan. Oui, c'est ça. Et l'anagramme ? L'anos, ce qui suggère que l'ambiance y est joyeuse. Le second invité est Frédéric Lemanac. Vous êtes directeur scientifique de l'association Bloom. Bonjour. Bonjour à vous. Alors j'ai une première question pour vous deux en fait. Elle m'est venue en lisant le dernier livre de l'historien Alain Corbin qui s'intitule Terra Incognita, une histoire de l'ignorance. Et il explique dans cet ouvrage que les grandes profondeurs ont toujours été le lieu d'une énigme inquiétante. Il écrit. La peur de l'ignorer est particulièrement torturante. Elle stimule le rêve. De fait, très tôt, les abysses ont été dotées d'une incroyable puissance émotionnelle. Et il ajoute que l'ignorance et l'incompréhension avivaient l'émotion, qu'elle permettait d'éprouver une gamme de sentiments que le savoir aurait peut-être atténué. Fin de citation. D'où ma question. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que l'augmentation de nos connaissances sur les océans auxquelles vous contribuez, notre connaissance aussi sur ce qui les peuple, diminue le volume de nos imaginaires et de nos émotions. Est-ce que davantage savoir conduit à moins ressentir ? Sarah Labrousse. Je dirais bien au contraire. Plus on connaît, plus on est ému de ce qu'on découvre et plus on a envie d'en savoir un peu plus. Donc on touche un peu au mystère et en même temps on touche à cette joie de découvrir. Et donc je pense que la connaissance est très importante. Il y a aussi un côté sur l'empathie. Vous êtes une spécialiste de l'Antarctique. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans l'exploration de l'Antarctique, où les conditions de vie sont quand même assez difficiles, où on est souvent confiné pendant les tempêtes, par exemple ? Oui, c'est des environnements extrêmes et justement, du coup, ils sont extrêmement mystérieux parce que c'est des zones où on a très peu de possibilités pour aller justement observer. Donc c'est mystérieux, très loin, très dangereux aussi. Et du coup, c'est très excitant, cet attrait de l'inconnu et cet appétit scientifique aussi. Et vous, Frédéric Lemanac, vous avez la même réponse? Même si l'Antarctique n'est pas votre spécialité, vous, c'est plutôt la pêche? Oui, c'est la pêche. L'Antarctique, je le connais vraiment de très loin. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Sarah dit. En fait, l'augmentation de la connaissance permet aussi d'augmenter le niveau d'empathie qu'on a. On ne peut pas avoir d'empathie pour quelque chose qu'on ne connaît pas. Or, quand on n'a pas de connaissance, on a des certitudes qui sont parfois contraires à la réalité des choses. Ça, c'est Cyrulnik qui le dit. Quand on n'a pas de connaissances, on a beaucoup de certitudes. Et par exemple, pour les abysses, qui est vraiment le sujet qui a été étudié par l'association Bloom, pour laquelle je travaille dès son origine, en 2005. L'origine de Bloom, c'était vraiment de travailler sur la connaissance de ce milieu des abysses, qui est extrêmement fragile, qui est exploité par la pêche, par l'exploitation minière, l'exploitation pétrolière, qui est détruit par l'humain. Et en fait, on ne s'en inquiétait pas parce que on ne connaissait pas ce milieu. Donc, bien évidemment que l'augmentation de la connaissance permet de prendre conscience de la fragilité de ce milieu et donc de ressentir de l'empathie et de vouloir le protéger. Alors aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2020. Le 12 décembre 2015 étaient signés les accords de Paris à l'occasion de la COP21. Donc 5 ans se sont écoulés. Est-ce que vous pensez que les choses évoluent dans le bon sens, que la prise de conscience est suffisante, que les actions qui ont été décidées à ce moment-là sont réellement accomplies, ou est-ce que vous êtes des chercheurs inquiets? Ben, sur les accords de Paris, on entend vraiment tout et son contraire depuis quelques jours. Soit on a des décideurs politiques qui se réjouissent d'avoir enfin réglé le problème du réchauffement climatique, soit on a au contraire des associations ou de la société civile qui va dire l'opposé, que ça servait à rien. En fait, la réalité, elle est un petit peu entre les deux. C'est sûr que d'un point de vue politique, les accords de Paris, ils n'ont pas encore porté leurs fruits. On voit très bien que quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, on est sur une route qui nous amène pas du tout à une limitation du réchauffement climatique tel que c'était prévu dans l'accord de Paris. Au contraire, on voit de plus en plus la société civile, les citoyens qui s'emparent de ce problème climatique, et donc on a une prise de conscience qui n'aurait pas été rendue possible sans l'accord de Paris. Sarah Labrousse, vous étudiez l'Antarctique, on l'a dit, donc il y a de la glace. La glace, ça fond quand il fait chaud, donc j'imagine que vous voyez directement l'impact du réchauffement. Oui, on voit directement l'impact au niveau de la calotte polaire particulièrement qui fond. Et pour revenir aux accords de Paris, justement, on a besoin de prendre des mesures rapidement parce qu'en fait, si on ne les prend pas, on arrive à un point de bascule où justement cette fonte de calotte polaire qui est quand même qui a des conséquences très importantes sur le niveau des mers va s'amplifier, va s'accélérer, s'emballer et on va arriver à un point de non-retour. Donc en fait, pour nous en tant que scientifiques et notamment les gens qui travaillent sur l'Antarctique, l'importance, elle n'est pas à 2030, elle est à 2050, 2100, pour que ces mesures qu'on prend maintenant aient un effet sur le niveau des mers dans des dizaines, centaines d'années en fait. Il faut savoir que l'océan et la cryosphère ont une inertie énorme, donc les changements que l'on fait maintenant ne vont pas se voir sur une année, deux années, cinq ans, dix ans. Ça va être au bout de dizaines, centaines d'années qu'on va voir. Est-ce que ça n'est pas ça qui rend les décisions politiques difficiles? On va devoir faire des efforts et l'effet de ces efforts ne sera en fait pas visible, en tout cas à l'échelle d'une existence humaine, puisque la situation va continuer à s'aggraver. Alors il y a des effets clairement visibles. Alors pour la calotte polaire et le niveau des mers, pas clairement maintenant, mais il y a quand même des îlots qui sont déjà sous l'eau, sauf qu'ils sont très loin, donc on y pense peu. Mais il y a des effets clairement visibles au niveau de l'océan. On a des températures qui se sont réchauffées énormément. On a une acidification des océans, on a une désoxygénisation des océans qui est très importante. On a des conséquences sur les populations marines. Moi, je travaille sur les mammifères marins et oiseaux marins, avec des changements du comportement, des colonies entières qui n'arrivent pas à se reproduire dû à des changements du climat. Donc c'est évident, c'est devant nos yeux. On n'en parle peut-être pas assez, ou alors c'est peut-être un peu éloigné. On est ici pour en parler. Mais avant, on va faire un peu de pédagogie et rappeler que, par exemple, Les océans représentent 71% de la surface de la Terre. Leur niveau monte depuis les débuts de l'ère industrielle. Alors, j'ai lu que les océans sont montés de 20 cm depuis 1900 et que la vitesse de la hausse, si j'ose dire, elle augmente elle aussi et qu'on prévoit pour la fin du siècle, dans l'un des scénarios du GIEC, une montée de 80 cm, ce qui est énorme. Est-ce que ça, outre le fait que des territoires sont inondés, il y a d'autres conséquences qui vont nous impacter directement en termes, par exemple, de phénomènes extrêmes, climatiques extrêmes ou météorologiques extrêmes? Mais c'est vrai que 80 cm, ça peut paraître beaucoup et en même temps peu, puisque c'est même pas notre taille. Donc c'est vrai que 80 cm de plus sur une côte, par exemple, française, ça peut ne pas paraître comme étant quelque chose d'énorme. Mais pourtant, quand on couple ça avec, par exemple, des tempêtes qui potentiellement vont être plus fréquentes, plus intenses, quand on se rappelle, par exemple, des effets de la tempête Xynthia en France ou d'autres tempêtes aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, on voit vraiment que le moindre centimètre en plus peut avoir des effets dévastateurs sur les régions côtières, qui sont elles-mêmes les régions les plus peuplées du monde. Donc forcément, la moindre modification du niveau de l'océan a un impact direct sur les humains, sur les villes. Ça a aussi un impact sur les populations, sur les animaux marins, sur les plantes marines. C'est-à-dire que si on oubliait les autres effets du changement climatique, sur les températures de l'atmosphère par exemple, les seuls effets produits par la montée des eaux seraient suffisants pour déplacer des populations. Alors, c'est effectivement une des conséquences prédites du changement climatique, c'est que l'augmentation du niveau de l'océan va avoir des effets sur les populations humaines majeures, puisque on a, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plusieurs dizaines de pourcents, c'est une majorité de la population humaine qui vit sur la bande littorale, qui va être la zone impactée par cette augmentation du niveau de l'océan. Donc, si on limite vraiment les effets du changement climatique à l'augmentation du niveau de l'océan, et on est très très loin de cette unique conséquence, on aurait déjà des conséquences dramatiques uniquement pour les humains. Alors vous serez d'accord avec moi que si je mets un glaçon dans un verre d'eau, après que le glaçon a fondu, le niveau de l'eau n'a pas changé. On est bien d'accord. On est d'accord. Donc la banquise, si elle fond, ne provoque pas une augmentation du niveau de la mer, sauf par les effets thermiques. Elle s'échauffe, l'eau, donc elle se dilate. Mais la fonte de la glace des banquises ne provoque pas d'élévation du niveau des mers. Vous êtes d'accord? Oui. Ce qui vous inquiète, c'est plutôt la glace qui est sur l'Antarctique. Oui, la calotte polaire ou les glaciers qui sont en train de fondre, dont on a très peu d'informations pour l'instant sur la dynamique de cette fonte. Il y a de nombreuses recherches qui sont en cours pour mettre en évidence cela. Et il faut savoir aussi que la calotte, quand elle fond, elle refroidit énormément la surface de l'océan, notamment dans l'océan Austral. Et ça induit qu'il y a un écart de chaleur entre l'atmosphère et l'océan qui est très très grand, qui fait que l'océan par lui-même va absorber énormément de l'excès de chaleur produit par les origines humaines et anthropiques. Et l'océan Austral notamment est un puits de chaleur et un puits des émissions de CO2 qui est très important en fait. Et donc cette chaleur, elle ne reste pas dans les couches de surface très froides, elle va en profondeur, et c'est pour ça que les océans, et notamment l'océan Austral, se réchauffent énormément. L'océan Austral, c'est l'endroit où on voit le plus l'empreinte humaine au monde. Et ça va avoir des conséquences majeures sur la circulation de nos courants à l'échelle mondiale, qui a un effet sur notre climat. La formation des eaux profondes en Antarctique a un effet sur notre climat. Elle régule pas mal de circulation au niveau mondial. Vous voulez dire que c'est une sorte de sentinelle pour le climat? Et en étudiant ces zones, on a une sorte de préfiguration de la façon dont les choses se passent ailleurs? Oui, exactement. Se passeront ailleurs, plutôt? Oui, ce sont les zones les plus sensibles et les zones les plus touchées par le changement climatique. Enfin, touchées en premier, je dirais. Alors, je propose qu'on continue notre petit travail pédagogique. Qu'est-ce que c'est que le Gulf Stream? Quel rôle a-t-il sur le climat et en quoi le changement climatique modifie sa nature? J'ai compris en vous lisant que c'est grâce à lui que l'hiver est plus doux en Europe qu'au même latitude de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que le Gulf Stream est modifié par le réchauffement climatique dont on vient de parler? Alors, on n'a pas encore de réponse définitive à cette question. C'est toujours très compliqué d'étudier les flux d'eau et de chaleur à l'échelle d'un bassin océanique. Donc on est toujours au balbutiement de la recherche sur ce sujet-là. Pour répondre à votre question, le Gulf Stream, c'est un courant qui trouve sa source dans le golfe du Mexique, le long entre les États-Unis, entre la Floride et le Mexique. Et c'est en fait des eaux qui vont être très très chaudes et qui vont être très salées. Il y a vraiment un bassin d'évaporation dans cette zone-là. Et ensuite, l'eau salée et chaude est accélérée, est expulsée au niveau entre Cuba et la Floride et va remonter tout l'Atlantique jusque sur les côtes européennes. Et donc c'est en arrivant sur l'atmosphère plus froide européenne, dans la zone plus froide européenne, que le Gulf Stream va décharger sa chaleur. Et c'est pour ça qu'on a des hivers qui sont beaucoup plus doux sur la côte européenne que sur la côte atlantique américaine, où en hiver il fait moins 20 ou moins 30 degrés pendant plusieurs mois. Et donc c'est pour ça qu'on connaît, nous, beaucoup le Gulf Stream en Europe, mais il y a d'autres courants similaires dans le Pacifique, par exemple, où on a le Kuroshio, qui est un courant le long du Japon, qui est exactement qui a exactement le même fonctionnement que le Gulf Stream. Ce qu'on voit, c'est que le Gulf Stream, il est aussi important au niveau de la régulation du climat dans le monde, puisque les eaux qui sont chaudes et salées, qui arrivent au niveau de l'Europe, refroidissent, donc se densifient encore plus. Et ensuite, comme elles sont très froides et très salées, elles vont couler, et donc elles vont regagner la circulation des courants mondiaux dont Sarah parlait, qui régit le climat au niveau mondial. Donc c'est vrai que le Gulf Stream, il est très important d'un point de vue local pour les hivers doux européens, mais il a aussi un rôle dans la circulation, dans la régulation du climat au niveau mondial. Et c'est vrai que si on a une modification de la salinité ou de la température de l'eau, et donc une modification de sa densité, on va potentiellement avoir une modification en profondeur de la régulation du climat mondial, parce que une partie de la mécanique mondiale aura été affectée par nos activités. Et j'imagine que vous pourriez dire la même chose de El Niño, qui est un autre courant chaud. Alors, qui apparaît en général à Noël, d'ailleurs. C'est ça. El Niño, c'est un peu différent parce que c'est pas un phénomène qui est causé par le réchauffement climatique. Peut-être que El Niño est affecté. Alors effectivement, sa fréquence et son intensité vont potentiellement être affectées par nos activités, mais là encore, on n'a pas de certitude. El Niño, c'est autre chose, c'est encore une fois un courant chaud qui effectivement apparaît de manière cyclique dans l'océan Pacifique, et c'est simplement parce qu'on a des vents continus le long de l'équateur qui vont pousser à l'ouest du Pacifique des eaux chaudes, et quand on a de temps en temps un affaissement des cellules atmosphériques et l'effondrement de ces régimes de vent constants, on a en fait une eau chaude de surface qui est agrégée à l'ouest du Pacifique, qui va vraiment dévaler l'équateur et qui va se retrouver le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, là où normalement on a de l'eau froide, profonde, très riche, qui remonte en surface et qui crée un écosystème extrêmement productif. Et quand on a ces eaux chaudes qui arrivent, on a un effondrement de la production marine à cet endroit-là. Et donc El Niño, c'est pas du tout quelque chose qui est bon pour la pêche en Amérique du Sud. C'est au contraire quelque chose qui va faire qu'il n'y a quasiment plus de poissons. Frédéric Lemanac, vous avez parlé tout à l'heure d'empathie pour les océans. Une expression assez forte. C'est une expression assez forte. Qui a donné à Léon Bonafé, l'envie de lire un texte. Oui, pour apporter un peu de chaleur, mais pas trop quand même. Je voudrais commencer par vous remercier, Étienne, d'avoir rappelé en introduction le caractère essentiel de mon activité non essentielle. Voilà, on aimerait que d'autres s'en souviennent. Mais vous êtes là dans un théâtre. Je suis heureusement, voilà, il y a des théâtres qui se battent pour qu'il se passe des choses, et merci, mais le public manque un peu. Et d'un point de vue pédagogique aussi, j'ai une citation de Prévert qui pourrait peut-être nous aider à tous réfléchir, qui est « La terre aurait pu s'appeler la mer » si c'était un poisson qui avait donné le nom. Peut-être ça peut alimenter la suite. Et maintenant, je voudrais commencer avec Pessoa, qui dans son poème « Aune maritime », dans un extrait que je vais lire ici, en effet, je pense que ça ferait quoi, l'empathie avec la mer et accueille l'océan à lui. Toute la vie maritime, tout dans la vie maritime, toute cette subtile séduction s'infiltre dans mes veines. Et indéfiniment, sans cesse, je pense au voyage. Ah, les lignes des côtes lointaines, écrasées par l'horizon. Ah, les caps, les îles, les plages sablonneuses. Les solitudes marines, comme à certains moments dans le Pacifique, où, sous l'effet de je ne sais quelle réminiscence de l'école, nous sentons peser sur les nerfs la pensée que c'est le plus grand des océans, où le monde et la saveur des choses deviennent un désert à l'intérieur de nous. L'étendue plus humaine, plus éclaboussée de l'Atlantique, l'Indien le plus mystérieux de tous les océans. La Méditerranée, douce, sans aucun mystère, classique. Une mer faite pour battre de ses vagues des esplanades que regarderaient les blanches statues de jardins proches. Toutes les mers, tous les détroits, toutes les baies, tous les golfes, je voudrais les serrer sur ma poitrine, bien les sentir et mourir. Merci Léon, c'est un texte de Fernando Pessoa. Alors, si vous deviez choisir un océan et pour le serrer sur votre poitrine, lequel choisiriez-vous, Sarah Labrousse ? Le Pacifique, l'Indien, l'Atlantique ? L'Austral. Pourquoi ? C'est là où vous allez. C'est là où je vais. C'est un océan très froid, très riche en biodiversité aussi, qui est bordé par un courant très fort et des vents violents. C'est l'attrait du mystérieux et de l'extrême, je dirais. Et vous, Frédéric Lemanac ? Je pense que c'est l'océan Indien qui est aussi celui que je connais le mieux, que j'ai le plus étudié. Pendant mes années d'études chez Bloom, donc je pense qu'on a aussi tendance à vouloir chérir ce qu'on connaît le mieux. Donc on en revient à votre question à l'heure. Vous étudiez les endroits que vous aimez bien, ou alors vous aimez bien les endroits que vous étudiez. On ne sait pas très bien où est la poule et où est l'œuf dans cette affaire. Sarah Labrousse, vous parliez de l'acidification des océans, dont j'ai compris qu'elle posait beaucoup de problèmes. Alors d'abord, quel est le mécanisme qui fait que les océans s'acidifient? Et en quoi le changement climatique est-il responsable de cette évolution? Le mécanisme, en fait, il est assez compliqué. Je pense pas qu'on ait le temps ni l'intention de rentrer dans les équations chimiques acido-basiques, mais l'eau, en captant le CO2 atmosphérique par simple diffusion, va devenir plus acide parce qu'il y a des éléments chimiques acides qui vont être créés au moment de cette absorption-là. Et en fait, plus l'océan absorbe de CO2, qui est le gaz à effet de serre majoritaire causé par les activités humaines, plus l'océan s'acidifie parce qu'on va décaler vers le côté acide cette équation acido-basique. Et donc, c'est pour imaginer un petit peu ce propos-là, il faut simplement imaginer, quand on verse du vinaigre sur de la craie, par exemple, on verse de l'acide sur du calcaire, on a des bulles parce que la craie se désagrège. Donc évidemment, dans l'océan, c'est pas aussi puissant que du vinaigre versé sur une craie, mais c'est exactement le même mécanisme qui se passe parce que absorption après absorption du CO2, on a de l'eau qui est de plus en plus acide. Et ça a vraiment des conséquences qui sont majeures sur le fonctionnement de l'océan, puisqu'il y a plein d'organismes marins, que ce soit les coraux ou que ce soit certaines algues, qui ont besoin de créer des squelettes calcaires. Et donc, dans une eau plus acide, ils ne pourront plus créer ces squelettes calcaires. On voit déjà un blanchissement des coraux. Alors, j'ai appris un mot, d'ailleurs, en vous lisant, un mot qui pourrait servir pour la dictée géante d'Olivia Jasberg, c'est le mot zooxanthelle. Alors, Z-2-O-X-A-N-T-H-E-2-L-E-S. Qu'est-ce que c'est? C'est les petits animaux qui vivent... En fait, les coraux sont des symbioses entre les zooxanthelles et des algues. Et donc, le réchauffement climatique fait que les algues qui vivent en symbiose dans ces zooxanthelles sont expulsées. Et donc, l'animal, qui est vraiment le corail au sens strict, ne peut plus vivre puisqu'il ne peut plus se nourrir. Et donc, c'est pour ça que, en mourant, le corail blanchit, tout simplement parce que son zooxanthelle meurt. Et donc, on a simplement la coquille calcaire qui reste et le calcaire est blanc. Et qu'est-ce qui va se passer si ce phénomène s'étend à tous les coraux existants dans les océans? C'est un effondrement majeur de beaucoup d'écosystèmes au travers du monde. En fait, les récifs coralliens, c'est vraiment au même niveau que la forêt primaire humide au Brésil ou ailleurs dans le monde. C'est des zones qui sont extrêmement diverses en termes d'espèces, en termes d'abondance. C'est là où beaucoup d'espèces vont se reproduire, là où beaucoup de juvéniles aussi grossissent. Et donc forcément, si on tue ces zones-là à cause de l'acidification de l'océan, et c'est le cas par exemple en Australie, on voit des champs entiers de coraux qui meurent à hauteur de 80, 90, 95%, donc c'est pas du tout marginal, on a un effondrement de la vie marine qui se répand de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment malheureusement quelque chose qu'on voit, le blanchissement des coraux, il est visible au niveau mondial. Et c'est malheureusement quelque chose qui est un petit peu inarrêtable, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est irréversible. C'est irréversible. Alors pas forcément, parce qu'on voit qu'il y a aussi des poches à certains endroits avec des espèces particulières ou des adaptations locales qui font que les coraux résistent mieux au changement de température. En tout cas, la barrière de corail en Australie telle qu'on la connaissait il y a 20 ans ne va plus exister pendant quelques dizaines de milliers d'années, peut-être à cause de nos activités. Sarah Labrousse. Et on parle aussi souvent des coraux, mais il y a aussi des organismes phytoplanctoniques qui sont les premiers maillons de la chaîne alimentaire dans les océans, qui sont comme les diatomées par exemple, ou les ptéropodes qui ont un squelette calcaire ou un squelette calcite ou aragonite. Et d'ailleurs, notamment, il y a des scientifiques qui ont fait des études, et d'ici à 2030, en fait, ces organismes ne pourront plus constituer leur squelette. Et donc, ce sont les premiers maillons de la chaîne alimentaire. Donc, imaginez les conséquences ensuite sur le reste du réseau trophique, enfin, le reste des organismes qui vivent dans l'océan. Par exemple, ce que vous appelez le krill, enfin, ce qu'on appelle le krill, qu'absorbe les cétacés, je crois. Est-ce qu'il est menacé par cette acidification ? Il est en effet menacé par l'acidification. Je ne connais pas. Ce sont des tout petits crustacés, je crois. Ce sont des petits crustacés qui peuvent aller jusqu'à 6 cm de taille, qui se distribuent en essaim dans l'océan, qui sont le maillon clé, notamment des écosystèmes austro- et antarctiques, qui sont la proie, je dirais, de nombreux mammifères marins et oiseaux marins, et qui sont aussi malheureusement menacés par les pêches, notamment en Antarctique, c'est un gros problème. Le plancton, parce que là, vous annoncez quand même beaucoup de mauvaises nouvelles, hein. Et je crois que c'est pas fini. Mais parlons du plancton. Le plancton, il produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. S'ils ont une sorte de poumon, le deuxième poumon, enfin le second poumon, parce qu'il y en a que deux, sont les forêts, les grandes forêts. Est-ce qu'il est lui-même modifié par les événements dont nous parlons? Oui, il est modifié, puisqu'en fait, une grande partie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une grande partie du plancton de l'océan a un squelette calcaire. Donc on a un impact direct du réchauffement climatique de nos activités sur ce plancton-là. On a aussi c'est quelque chose qui est moins bien connu, et c'est une question sur laquelle on commence à avoir des éléments de réponse, mais on voit aussi que certaines espèces de plancton, au contraire, vont plutôt bénéficier d'une eau plus acide ou plus chaude, mais qui vont aussi avoir des dégazements de gaz à effet de serre, autrement plus réchauffement que le CO2. Donc on a aussi, à cause de nos activités, des sortes de boucles un petit peu vicieuses qui se mettent en place. C'est le cas, par exemple. C'est des rétroactions positives, à chaque fois, qui aggravent la situation. C'est plutôt négatif. En fait, positives au sens où elles vont dans le même sens. Exactement. Et donc, en fait, on a un emballement de la situation. C'est vrai, par exemple, en Antarctique, par exemple, avec la fonte de la calotte, qui va peut-être s'accélérer aussi avec le réchauffement climatique. C'est vrai en Arctique, ou en Sibérie, avec le pergélisol qui va fondre, qui contient d'énormes quantités de méthane. Et donc, on a une accélération comme ça probable du réchauffement climatique à cause du réchauffement climatique. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu, qui n'est pas encore modélisé par le GIEC, hein, par les scientifiques qui s'occupent du climat. Mais on sait que potentiellement, on va avoir des problèmes qui sont encore plus graves que ce qu'on pense. On va continuer la partie pédagogique. Mais est-ce qu'on connaît bien le rôle de l'océan profond? Est-ce qu'il joue un rôle, par exemple, en tant que puits de carbone? Et que font les poissons dans la journée? Enfin, je veux dire, j'ai cru comprendre qu'ils font l'ascenseur, parfois ils descendent, ils montent, et qu'ils ont un rôle justement climatique qui doit être pris en compte. En effet, les poissons, les organismes aussi zooplanctoniques, ils vont. Vous êtes mûr pour la dictée, vous, hein. C'est des mots incroyables. Dans la chaîne alimentaire, il y a le phytoplancton qui est ensuite consommé par le zooplancton. Et ensuite, le zooplancton va être consommé par tout ce qui est poissons, calamars. Et ensuite, vont être consommés par des prédateurs supérieurs. Dans mon cas, des phoques, des manchots. Ce que vous appelez supérieurs, c'est ceux qui sont en bout de chaîne. En bout de la chaîne alimentaire, exactement. Et donc, ces organismes, pour reprendre phytoplanctoniques ou zooplanctoniques, donc c'est-à-dire les algues ou alors le krill, ces petites crevettes, elles vont avoir un rôle majeur pour transférer la matière organique qui est produite donc par le phytoplancton en surface, pour la transférer en profondeur. Et donc, en effet, le krill et d'autres organismes zooplanctoniques effectuent des migrations qu'on appelle nyctéméral. Donc, c'est des migrations dans la journée et dans la nuit, qui entre la surface et la profondeur. Ils montent et descendent. Ils montent et descendent. Et aussi, le fait qu'ils sont consommés par des poissons ou d'autres proies, ça permet de transférer cette matière organique dans la chaîne alimentaire, qui permet ensuite donc de piéger ce CO2 depuis l'atmosphère jusqu'au fond des océans. Il y a énormément de travaux sur ce que vous disiez sur les courants, notamment en profondeur, parce que c'est notamment ces courants-là profonds qui sont responsables de la circulation à l'échelle mondiale et donc de notre climat, en fait. Donc la profondeur a un rôle important. On a effectivement aussi des interactions entre les poissons de profondeur et les poissons de surface. Et on a vraiment une captation du CO2 qui est fait par les poissons qui vivent en profondeur et qui vont la nuit remonter en surface pour se nourrir, qui vont redescendre en profondeur la journée. Et donc en profondeur, ils vont faire plusieurs choses. Ils vont relâcher des excréments, ils vont mourir, ils vont se faire consommer par d'autres espèces de poissons qui, elles, restent uniquement en profondeur. Et donc on a chaque jour cette espèce d'ascenseur entre la profondeur et la surface dont vous parliez, où on a des poissons qui vont venir capter le CO2 que nous avons émis et qui est disponible en surface de l'océan, et qui ce carbone-là va être séquestré par les poissons en profondeur. Et une fois qu'on est arrivé sous une limite particulière, qui est à quelques centaines de mètres de profondeur, le CO2 reste en fait séquestré pendant des milliers, voire des millions d'années. Donc c'est vrai que là, on peut parler de pompe à carbone par les poissons, donc c'est une pompe à carbone actif. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a quelques années, il y a un chercheur anglais qui s'appelle Clive Truman qui avait fait une étude assez formidable là-dessus, qui a depuis été reprise et complétée, mais qui montrait que juste dans les eaux britanniques, cette pompe à carbone qui était créée par les poissons de profondeur qui remontaient en surface puis qui se faisaient manger ou qui mouraient en profondeur, était à peu près équivalente à une usine de séquestration de carbone qui allait coûter des milliards d'euros aux contribuables anglais. Et on pêchait ces poissons-là, avec de la pêche profonde, avec des méthodes de pêche extrêmement impactantes. Donc on peut faire des économies en ne les pêchant plus. Bien sûr, bien sûr. Et donc ça représentait une infime fraction. Pourquoi on les pêche alors ? Ça représentait une infime fraction des captures européennes, et ça nous coûtait des milliards d'euros parce que à côté de cela, on devait créer une usine de séquestration de carbone, alors que le poisson le faisait très bien tout seul. Et en plus, cette pêche-là n'étant pas du tout rentable, on devait subventionner cette activité de pêche pour qu'ils aillent chercher le poisson dont on avait besoin. Donc on tombe vraiment dans des délires économiques, sociaux, environnementaux colossales quand on se penche sur la question de la pêche profonde. Alors, avant d'entamer cette phase militante, on va continuer la phase pédagogique. Et je voudrais vous demander, par quel mécanisme le fait que l'eau devient plus chaude à cause du réchauffement climatique, je parle de l'eau des océans, diminue la taille des poissons ? Ça, c'est une question d'oxygène. Alors en fait, il y a deux mécanismes. Le premier, c'est que les poissons vivant dans des eaux plus chaudes, ils ont un métabolisme plus rapide. Et un métabolisme plus rapide demande plus d'oxygène pour être réalisé. Or, les poissons, ils ont des branchies qui sont de taille finie. On voit pas des poissons avec les branchies qui sortent de leur corps pour aller capter plus d'oxygène dans l'eau. Donc, ils ont une captation de l'oxygène qui est contrainte par leur taille, et donc les poissons capturent moins d'oxygène, et en plus l'oxygène est moins disponible dans l'eau quand l'eau est plus chaude. Donc là on a vraiment deux phénomènes, un phénomène biologique, un phénomène physique, qui font que avec de l'eau plus chaude, les poissons ont moins d'oxygène disponible. Mais ils vont tous les deux dans le mauvais sens. Exactement, et donc on a des poissons qui sont de plus en plus petits. En fait, les poissons vont plutôt mettre leurs ressources et leur métabolisme dans la reproduction plutôt que dans leur croissance. Ça, c'est par exemple quelque chose qui a été montré très clairement par l'Ifremer il y a quelques années sur la sardine et l'anchois en Méditerranée, où on a des anchois et des sardines qui sont deux fois plus petits qu'il y a 20 ans. Et c'est en fait parce que leur nourriture est moins... C'est pas parce qu'on pêche les plus gros. Alors c'est aussi ça. Malheureusement, il y a encore un autre niveau qui se rajoute à ça. C'est que historiquement, on est toujours allé pêcher les poissons les plus gros en premier. C'est les plus simples à capturer. C'est ceux qui font les plus belles photos maintenant. Donc on capture les plus gros poissons. Et donc on a une sélection sur les populations de poissons qui font que, à cause de la pêche, on a des poissons qui sont de plus en plus petits. Et à cela se rajoute le fait qu'avec le réchauffement de l'eau, on a de moins en moins d'oxygène disponible pour la croissance des poissons, et donc des poissons qui deviennent encore plus petits. Mais si je comprends bien ce que vous dites, ça veut, Frédéric Lemanac, ça veut dire que les poissons qui sont les plus actifs, qui ont le besoin de plus d'énergie pour se déplacer, comme les thons et les requins, sont ceux qui, dont la taille va le plus vite diminuer. Exactement. Ces poissons-là, ces espèces-là qui ont des forts besoins métaboliques par rapport à un poisson d'eau froide qui va rester tapis au fond de l'océan. Voilà, ce qui est quand même le cas. Hein. Plus on est dans les eaux froides, plus on a des poissons qui sont tranquilles au fond de l'eau. Cool. Comparé à un espadon ou un thon qui va nager à des vitesses fulgurantes en surface. Donc effectivement, les poissons prédateurs que l'on connaît le plus, les requins, les thons, les espadons, sont ceux qui vont souffrir le plus de ce double effet-là du réchauffement climatique avec la diminution de l'oxygène disponible pour leur croissance. Sarah Labrousse, vous avez dit, ou plutôt j'ai lu dans vos écrits, que les éléphants de mer sont les sentinelles de l'Antarctique. Alors justement, Léon Bonafé, il a un texte sur les éléphants de mer. Exactement. On va l'écouter et ensuite on en discutera. Voilà, puisque comme vous les connaissez bien, a priori, vous allez pouvoir confirmer ou infirmer ce qu'en dit Jacques Prévert dans ce texte. Moi, je pense que vous allez confirmer, mais enfin, ça, on verra après. L'éléphant de mer. Celui-là, c'est l'éléphant de mer. Mais il n'en sait rien. L'éléphant de mer ou l'escargot de Bourgogne, ça n'a pas de sens pour lui. Il se moque de ces choses-là. Il ne tient pas à être quelqu'un. Il est assis sur le ventre parce qu'il se trouve bien assis comme ça. Chacun a le droit de s'asseoir à sa guise. Il est très content parce que le gardien lui donne des poissons vivants. Chaque jour, il mange des kilos et des kilos de poissons vivants. C'est embêtant pour les poissons vivants, parce qu'après ça, ils sont morts, mais chacun a le droit de manger à sa guise. Il les mange sans faire de manière, très vite. Tandis que l'homme, quand il mange une truite, il la jette d'abord dans l'eau bouillante, et après l'avoir mangée, il en parle encore pendant des jours et des années. « Ah, quelle truite, mon cher, vous vous souvenez ?» etc., etc. Lui, l'éléphant de mer, mange, simplement. Il a un très bon petit œil, mais quand il est en colère, son nez en forme de trompe se dilate et ça fait peur à tout le monde. Son gardien ne lui fait pas de mal, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Si tous les animaux se fâchaient, ce serait une drôle d'histoire. Vous voyez ça d'ici, mes petits amis, l'armée des éléphants de terre et de mer arrivant à Paris. Quel gâchis. L'éléphant de mer ne sait rien faire d'autre que de manger du poisson. Mais c'est une chose qu'il fait très bien. Autrefois, il y avait, paraît-il, des éléphants de mer qui jonglaient avec des armoires à glace. Mais on ne peut pas savoir si c'est vrai. Personne ne veut plus prêter son armoire. L'armoire pourrait tomber, la glace pourrait se casser, ça ferait des frais. L'homme aime bien les animaux, mais il tient davantage à ses meubles. L'éléphant de mer, quand on ne l'ennuie pas, est heureux comme un roi. Beaucoup plus heureux qu'un roi, parce qu'il peut s'asseoir sur le ventre quand ça lui fait plaisir. Alors que le roi, même sur le trône, est toujours assis sur son derrière. France Culture. La conversation scientifique. Étienne Klein. Merci Léon. Sarah Labrousse, que pensez-vous de cette description des éléphants de mer par Jacques Prévert? Il les connaît bien. Moins bien que vous, mais quand même. Oui, c'est une belle description. Merci Léon. Justement, c'est très intéressant parce que on voit souvent les éléphants de mer comme ça, sur leur ventre, à se prélasser sur des plages sableuses. Eh bien non, ce sont des animaux qui passent 80% de leur temps en mer à plonger jusqu'à 2000 mètres de profondeur et jusqu'à 90 minutes. Ce sont de très grands apnéistes. En moyenne, ils font des plongées de 500-600 mètres et ils plongent 50 fois par jour. Et c'est des animaux qui vont parcourir des milliers de kilomètres depuis leurs colonies qui sont en général dans les îles subantarctiques, notamment les îles Kerguelen, et qui vont ensuite se rendre vers des territoires différents pour s'alimenter, et notamment sous la banquise en Antarctique. Donc ils vont parcourir ces milliers de kilomètres pour s'alimenter pendant 8 mois. Et sont des animaux extraordinaires à étudier. On pose sur leur tête des capteurs avec des balises Argos, donc qui nous permet de les, cela nous permet de les suivre dans l'océan. Chaque fois que l'animal revient en surface, une position est transmise par satellite. Et ensuite, grâce à ces animaux, on peut aussi étudier l'océan, puisqu'on peut aussi poser des capteurs de température de l'océan, des températures de salinité pour mesurer le contenu en sel de l'océan, de fluorescence aussi pour mesurer justement l'activité de photosynthèse des algues phytoplanctoniques. On peut aussi mesurer le bruit avec des acousondes. Donc ce sont vraiment des animaux océanographes, on les appelle, mais aussi très, très intéressants par rapport à leur comportement de plongée. Ils nous apprennent énormément sur les ressources sous la banquise en hiver, dans des zones où on ne peut aller avec des bateaux ni avec des sous-marins. Vous les utilisez un peu comme des sondes ? Oui, on les utilise comme des sondes, mais aussi on en profite pour étudier leur comportement et voir leurs modifications dans leur comportement pour essayer de comprendre justement les effets du changement climatique sur les écosystèmes marins. Est-ce qu'ils sont menacés ? Alors, les éléphants de mer ne sont pas menacés à l'échelle globale. Après, il y a des colonies autour de l'Antarctique qui sont certaines en croissance, certaines en décroissance, certaines sont stables. Et c'est dû à des différences dans les milieux qu'ils rencontrent, parce que un éléphant de mer qui se déplace depuis les îles Kerguelen ne va pas du tout aller dans les mêmes zones qu'un éléphant de mer qui se déplace depuis les îles de Macquarie, par exemple. Donc il va rencontrer des conditions très différentes qui vont modifier sa reproduction et sa survie. Est-ce qu'il y a des espèces en Antarctique, qui est votre territoire de prédiction pour vos recherches, qui ont déjà disparu ou qui sont menacées de disparaître prochainement ? Eh bien, j'ai récemment travaillé sur les manchots empereurs qui sont toujours classés quasi menacés, mais de nombreux chercheurs poussent pour qu'ils soient classés vulnérables, puisque des projections climatiques et démographiques, donc on étudie leur succès de reproduction et de survie, ont montré que d'ici à 2100, si on continue sur un schéma normal d'émissions... Statu quo. Voilà, on arrive à une perte de 80% des colonies de manchots empereurs et le reste des colonies autour de l'Antarctique serait en déclin. Et ça, c'est le scénario un peu catastrophe. Voilà. Plus de 5 ou 6 degrés en 2100. Voilà, exactement. Et par contre, si on respecte les accords du climat de Paris, justement, donc un réchauffement de 1,5 degré ou 2 degrés, on arriverait à avoir seulement 30% des colonies de manchots empereurs qui seraient en déclin, enfin qui serait éteinte et le reste serait stable. Sarah Labrousse, est-ce que vous pouvez nous parler également du, c'est un nom qui m'intrigue, le phoque à capuchon. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un phoque arctique, donc ce n'est pas ma spécialité. C'est au pôle Nord. C'est un phoque qui est comme les éléphants de mer, une espèce sentinelle, puisque c'est un prédateur qui se déplace énormément aussi dans les océans et donc qui va permettre aussi d'être un sentinelle de l'état de l'écosystème marin. Bon, on va pas faire la liste de toutes les espèces, mais quand même, le guillemot à miroir. Ça vous dit quelque chose ? Oui, c'est un très bel oiseau. C'est un oiseau et il vit plutôt où ? Il est plutôt dans l'univers boréal. Et lui aussi sert de sentinelle ? Oui, il peut servir de sentinelle, oui. Donc toutes les espèces menacées finalement sont des sortes de sentinelles. Mais dans l'Arctique et dans l'Antarctique encore plus, il y a une faune incroyable. Il y a une faune incroyable. Et, oui, alors qu'on notamment... imagine une sorte de désert blanc inhabité. Voilà, on imagine souvent ça, et alors que des études justement sur le fond des océans, donc des études benthiques, ont montré une incroyable diversité des organismes benthiques, type étoiles de mer, mollusques de différents genres. Donc on a une faune très importante, et notamment aussi dans les îles subantarctiques, avec toutes ces colonies d'oiseaux colossales et de phoques, de phocidés. Après, toute espèce n'est pas une espèce sentinelle parce que des espèces se déplacent très localement, ne vont pas se déplacer vraiment sur des grandes échelles spatiales. Et puis des espèces sont difficiles à suivre aussi. Les espèces qui ne retournent pas à la colonie se reproduire sont très difficiles, bien sûr, de capturer et de retrouver pour récupérer les données qu'on a collectées. Alors la banquise, je parle de celle du pôle Nord, elle fond, mais la glace, l'eau gelée, l'eau de mer gelée en Antarctique, parfois, elle augmente au contraire. Comment se fait-il qu'il y ait cette sorte d'inversion de polarité entre le pôle Nord et le pôle Sud pour ce qui est de la glace? Alors la banquise antarctique est très contrastée régionalement due à des différences de systèmes de vent autour de l'Antarctique et c'est dû au changement climatique, c'est-à-dire qu'on a toute une variabilité climatique qui s'instaure avec des vents et donc on a des zones où on observe une forte diminution comme en péninsule antarctique et des zones où on observe une augmentation. Et les modèles climatiques n'arrivent pas encore à prédire les tendances de la glace et même à reproduire les observations de la glace. Donc c'est un problème majeur pour pouvoir anticiper les changements. Et on a du mal à comprendre parce qu'il y a des rétroactions qui sont extrêmement nombreuses entre l'océan, l'atmosphère et l'impact humain sur tout ça. Dernière question du volet pédagogique. Qu'est-ce que c'est qu'une polynie? Une polynie. P-O-L-Y-N-I-E. Alors, d'un point de vue pédagogique, une polynie, c'est une zone ouverte dans le paysage de banquise. Donc, vous imaginez le paysage de banquise couvert de glace. Et on a des zones qui sont de dizaines à centaines de kilomètres carrés qui sont ouvertes, des zones d'eau libre, qui sont créées par des forts vents catabatiques qui vont pousser la glace constamment. Donc, dès que la glace se forme, elle va être poussée. Donc, c'est des zones qui vont rester ouvertes en plein hiver dans la banquise. Et c'est des zones qui sont particulièrement importantes pour deux raisons. Une, pour le climat, parce que cette création de glace continue entraîne des rejets de sel qui vont avoir un effet sur la formation d'eau profonde qui joue un rôle majeur sur la circulation mondiale et donc sur notre climat. Et d'un point de vue biologique, c'est des zones qui vont être exposées au soleil en premier, donc on va avoir une activité de photosynthèse très importante avant les autres zones, et donc ça va être des oasis biologiques, et c'est des zones aussi où les mammifères marins et oiseaux marins peuvent accéder à l'océan ou alors respirer. Et Frédéric Le Manac, est-ce que vous êtes concerné, vous qui êtes spécialiste de la pêche et militant contre la surpêche, est-ce que vous êtes concerné par ce qui se passe dans l'Antarctique ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que l'Antarctique, c'est resté pendant très longtemps la dernière frontière par rapport à la pêche, à part pour quelques espèces, notamment de mammifères marins, qui ont été très largement surexploités et qui ont quasiment disparu il y a un siècle ou deux. On a pêché des baleines, on a pêché des phoques, on a pêché plein d'espèces dans les zones polaires. Mais on n'allait pas vraiment pêcher du poisson dans ces zones-là parce que c'est des mers qui sont extrêmement compliquées à naviguer, c'est très dangereux, ça demande vraiment des techniques de pêche qui sont particulières. Et donc c'est vrai que c'est pendant très longtemps resté une zone de pêche préservée. L'Arctique est également préservé puisque comme on a la zone de glace en surface, on peut pas aller pêcher en bateau. Donc c'est aussi une des craintes qu'on a, c'est-à-dire qu'avec la fonte de la banquise, on a des zones qui sont vierges aujourd'hui, mais qui vont potentiellement devenir exploitables pour les minerais, pour le pétrole, pour la pêche dans les années qui viennent. Et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des zones de protection où les activités humaines sont interdites, ne serait-ce que pour préserver l'intégrité de ces écosystèmes-là. Mais en Antarctique, c'est vrai qu'on a quand même de la pêche qui existe. Alors ça peut être pour du poisson, comme la légine, par exemple, qui a été très surexploitée pendant des années. Il y a beaucoup de pêche illégale sur la légine parce que c'est un poisson qui coûte extrêmement cher, qu'on ne voit quasiment pas en France. Hein. C'est un poisson qui est exporté en Amérique du Nord ou en Asie. Mais qui est beaucoup mieux géré maintenant, par exemple, dans les eaux françaises des terres australes, proches de l'Antarctique. Mais on a aussi des activités de pêche, par exemple, pour le krill. Donc on peut se poser la question de l'intérêt d'aller pêcher du krill, qui est une crevette qui fait quelques millimètres à quelques centimètres de long. Nous, on ne le consomme pas en tant qu'humain, mais c'est une espèce animale qui va être pêchée dans des très grandes quantités pour faire, par exemple, des compléments alimentaires ou pour faire des aliments pour chiens ou pour chats. ou pour élever des visons, pour faire de la fourrure pour nos bonnets. Donc c'est vrai que c'est une activité de pêche qui est assez absurde de ce point de vue-là, puisque on va aller capter l'un des premiers chaînons de la chaîne alimentaire antarctique, sur lequel se basent les populations d'oiseaux marins, de phoques, d'éléphants de mer, de baleines, pour en faire quelque chose qui est absolument pas nécessaire pour nous. Donc c'est bien évidemment quelque chose qui nous concerne particulièrement, même si nous, en tout cas au sein de l'association Bloom, on travaille plutôt sur la pêche en Europe ou la pêche européenne, par exemple en Afrique. Quelles sont les espèces, j'imagine que la liste est longue, qui sont les plus menacées? Et est-ce que vous voyez la réduction dont tout le monde parle de la biodiversité? Oui, la biodiversité, bien sûr, la réduction de la biodiversité, elle est visible dans le milieu marin aussi. On le voit, c'est pas simplement une réduction de la taille des poissons dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi une diversité qui est moins importante maintenant, une quantité totale de poissons qui est aussi moins importante. Et ça, on peut demander à n'importe quel pêcheur âgé, de 70-80 ans, il va dire, bah oui, effectivement, quand j'étais gamin et que j'allais pêcher, on avait beaucoup plus de poissons. Et donc, on a en parallèle une course vraiment à l'armement. C'est un terme militaire, mais qui est vraiment appliqué à la pêche, puisque on a des développements de méthodes de pêche toujours plus efficaces, toujours plus destructrices pour aller pêcher un poisson qui est effectivement de plus en plus rare. Il y a des chalutiers, enfin, il y a des bateaux de pêche qui font plus de 80 mètres de long. Oui, 80 mètres, c'est même pas malheureusement les plus longs. Hein. C'est 80 mètres, on va dire que c'est la barrière mentale qu'on se met pour parler vraiment de ce qu'on appelle les super chalutiers, les méga chalutiers. Mais les plus gros navires européens font plus de 140 mètres de long. Et donc, c'est des bateaux qui peuvent pêcher 400 tonnes de poissons par jour. 400 tonnes, c'est colossal. Hein. Comment est-ce que la pêche artisanale peut résister? Alors malheureusement, la pêche artisanale, elle résiste pas vraiment. On le voit en France, on le voit en Europe, on le voit dans le monde entier. La pêche artisanale, elle est soumise beaucoup plus que la pêche industrielle au changement climatique dont on a parlé, puisque la pêche artisanale est côtière, donc c'est là où les tensions sont les plus vives. C'est là où la perte de biodiversité est la plus forte. C'est là où le changement climatique se fait le plus ressentir. Et en plus, on a une compétition qui est croissante avec la pêche industrielle, qui, elle, va arriver à agréger de plus en plus les droits de pêche, les quotas de pêche, grâce à des connexions politiques importantes, et aussi parce que les méthodes de pêche employées par ces industriels-là sont de plus en plus efficaces. La pêche artisanale, quelque part, elle reste toujours la même. C'est toujours des filets, des hameçons, des casiers. Ça n'évolue pas vraiment. Au contraire de la pêche industrielle qui, elle, est vraiment en guerre, on va dire, contre le poisson. Léon Bonafé, est-ce que vous avez quelque chose à propos des poissons? Absolument quelque chose à propos des poissons. Vous avez toujours quelque chose, en fait. Je ne viens jamais les mains vides. À propos des poissons, mais finalement des amours des poissons. Et puis, on parlait un peu des méduses. On n'a pas évoqué les méduses, mais elles surgissent ici dans ce poème de Raymond Queneau qui s'appelle Marine. Donc, on est en plein dans le thème. Les poissons ont de si jolies têtes qu'on est obligé de les déplacer fréquemment à cause des ravages qu'ils font dans le cœur des méduses. Les cœurs de méduses ravagés vont s'échouer dans les ports sous forme de pétroliers ou de charbonniers. Les méduses elles-mêmes ne sont jamais repêchées. Un nouveau cœur leur pousse, bien plus grand que le premier, bien plus beau et bien plus vert et bien plus dur. Car les méduses ne veulent plus aimer les poissons aux nageoires coupantes et aux ouïes blanches. Elles ne veulent plus aimer que le centre de gravité de chaque chose dans le ciel et sur la terre. Les requins, eux, ne s'ennuient pas. Avec de la toile à matelas, ils fabriquent de jolis draps pour les noyés astucieux qui sont accourus vers eux en mâchant de la verveine pour se parfumer les veines. Non, les requins ne s'ennuient pas. Ils ont aussi de jolies têtes pour ravager le cœur des méduses inquiètes. Merci Léon Bonafé. Les poissons ont de si jolies têtes qu'on est obligé de les déplacer fréquemment. Est-ce qu'il y a des poissons qui vont devenir des sortes de réfugiés climatiques? Oui, et on le voit déjà. En France, par exemple, en Bretagne ou en Méditerranée, on a des poissons qu'on ne trouvait pas il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, des poissons tropicaux qui remontent. parce que les eaux tropicales dans lesquelles ils vivent sont devenues trop chaudes. Alors en fait, ça s'explique très facilement par les caractéristiques de vie des poissons. Les poissons sont des animaux à sang froid, c'est-à-dire qu'ils vivent à la température de leur milieu en blanc. Nous, on est des animaux à sang chaud. Quand on a chaud, on transpire. Quand on a froid, on grelotte. Et on arrive à contrôler notre température interne. Les poissons, eux, suivent les masses d'eau qui sont à leur température optimale. Et donc, on a, à cause du réchauffement climatique, les eaux autour de l'équateur qui deviennent invivables pour les poissons. Et donc, on a des remontées des poissons vers les pôles. Et donc, ça explique pourquoi on a, par exemple, des barracudas à Marseille ou à Sète, ou des dorades coryphènes en Normandie ou en Bretagne, qui sont deux espèces de poissons qu'on ne voyait absolument pas il y a quelques dizaines d'années. Donc, c'est déjà les premiers réfugiés climatiques liés à nos activités humaines. Et Sarah Labrousse, est-ce qu'en Antarctique, on voit aussi apparaître des nouvelles espèces qui migrent pour se refroidir un peu? Oui, bah par exemple, on a vu une contraction du krill au cours des 90 dernières années en péninsule antarctique, une contraction vers le sud. Et aussi, dû à la réduction de la banquise dans certaines zones, on a des espèces qui, normalement, étaient séparées par la banquise, se retrouvent sur les mêmes territoires d'alimentation et donc rentrent en compétition. Et ça peut poser des problèmes pour la survie de telle ou telle espèce. Donc ça, c'est des effets qu'on observe. On arrive bientôt au terme de cette émission et je vais vous poser la question, compte tenu de ce que vous nous avez appris aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, à propos de la pêche. À propos de la pêche, nous, l'angle qu'on a choisi à l'association Bloom, c'est vraiment de combattre les méthodes de pêche destructrices et de combattre comme la pêche électrique, par exemple, qu'on a réussi à faire interdire en 2019 au niveau européen. Donc c'est vrai que c'est une méthode de pêche qui est barbare, qui est extrêmement efficace. Hein, ça permet de faire de grosses réductions de consommation de carburant ou d'augmenter le... Quel était le principe? Le principe, c'est simplement d'avoir des électrodes qui courent le long des filets, qui sont tractées le long de l'océan. Et ces électrodes vont émettre un champ électrique qui va contraindre les poissons qui vont les... En fait, ce champ électrique va faire se contracter les poissons, comme sous l'effet d'un taser. Et donc, le poisson n'aura d'autre choix que de se laisser happer dans les mailles du filet. Donc, c'est extrêmement efficace, extrêmement destructeur. Il y a aussi des impacts, bien sûr, sur les juvéniles, sur les invertébrés qui vivent dans le sédiment marin. Et donc, ça, c'est une méthode de pêche qui a été développée par les industriels néerlandais, qu'on a réussi à faire interdire. Mais il y a plein d'autres méthodes de pêche ou pratiques de pêche qui n'ont plus vocation à être pratiquées au XXIe siècle. Si on a envie de gérer la crise climatique et la crise de l'érosion de la biodiversité, on a besoin de lutter contre ces méthodes de pêche. Et vous, Sarah Labrousse, est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir rester sur les rails de l'accord de Paris? Eh bien, je l'espère. Il faut que, en tant que citoyen, on réduise chacun nos émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'il faudrait faire, je pense, c'est il faut continuer à faire des études sur le long terme pour voir en fait ce qui se passe, pour observer ces changements et pouvoir réagir. Et notamment pour ça, on a besoin de financement dans la recherche sur le long terme. Tout ce que vous dites n'est pas très réjouissant, mais j'ai une petite anagramme pour vous qui m'a été donnée par Olivier Garcia. Quel est l'anagramme de « le spleen séduit le corps dans » ? La réponse, dans les splendeurs de l'océan. Le spleen séduit le corps. C'est du corps dans les splendeurs de l'océan. Merci à vous deux d'être venus. Merci à Léon pour ses lectures. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Christophe Michou, à la réalisation Delphine Lemaire. Et je remercie tout particulièrement les équipes du Théâtre de la Ville, si accueillantes et si efficaces. À bientôt, à la semaine prochaine. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Olivier Gesbert pour En français dans le texte.